nous allons poursuivre et même conclure cette journée prolongeant ce sentier interdisciplinaire, non plus exactement entre philosophe et économiste, entre philosophe et en l'occurrence un sociologue, mais un peu économiste aussi, Frédéric Le Baron, qui est professeur de sociologie à Amiens, à l'Université d'Amiens, membre directeur du CURAP. ESS, sociologie et sciences sociales. Voilà. Donc, qui est par ailleurs d'ailleurs habitué au dialogue avec les philosophes et dont le dernier ouvrage s'intitule, je ne vais pas décliner tout mon CV, La crise de la croyance économique. Je crois que ça a un rapport étroit effectivement avec le thème du jour. Et comme discutant, tu pourras profiter des lumières et des commentaires de Stéphane Haber, qui est professeur de philosophie ici à Nanterre, qui avait fait il y a longtemps une introduction à Habermas, qui, entre autres ouvrages, mais je ne cite que les plus récents, a publié deux ouvrages, en fait un seul semble-t-il, sur Freud et la théorie sociale, et Freud et sociologue. Voilà, j'en dirai pas plus, et de cette séance tenant la parole à Frédéric Le Baron. Communication intitulée « La dure réalité du tout commerce, domination, concurrence et échange inégal ». Voilà, je vais d'abord vous remercier Arnaud ainsi qu'Eva pour l'invitation, cette journée d'études, et ma communication, je crois, fait écho à plusieurs interventions, notamment d'ailleurs à la conclusion de ta communication, Arnaud, mais elle va nous éloigner un peu plus du XVIIIe siècle et de l'histoire de la pensée pour nous plonger dans les eaux pas froides, bouillonnantes de la sociologie des discours et des croyances économiques contemporaines, on va dire, à laquelle se rattachent d'ailleurs aussi les travaux d'Albert Hirschman. Alors, s'il est un exemple paradigmatique, me semble-t-il, la puissante capacité de légitimation du thème du doux commerce, mais aussi de ses dissonances, son objet de cette journée, c'est bien sans doute celui de la construction européenne, notamment celle du marché commun, à partir des années 1950. L'idée qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la construction d'un marché commun et par la suite d'une monnaie commune et de divers dispositifs de convergence macroéconomique permettra d'éviter les guerres futures entre pays d'Europe. C'est même sans doute, à certains égards, la doxa, cette concept du projet européen dans la deuxième moitié du XXe siècle. On vient d'ailleurs au passage dans une forme défensive de ce schéma, tel qu'a pu l'évoquer Catherine Hollard tout à l'heure. L'échange marchand mutuellement bénéfique rendra les peuples d'Europe solidaires les uns des autres et, in fine, permettra même de dépasser les frontières nationales dans une entité plus large. Libre-échange, marché organisé, convergence juridique autour d'un cadre favorable au développement des échanges marchands, monnaie unique et saine gouvernance budgétaire s'inscrivent tous à de nombreux égards avec des variations dans cette perspective. C'est ce que j'appellerais la croyance économique européenne dans sa forme fondamentale, une forme d'idéalisation au sens où l'entend Durkheim dans sa conclusion des formes élémentaires de la vie religieuse. Le doux commerce, alors je vais entendre par là de manière sans doute un peu réductrice les vertus pacificatrices de l'échange marchand, et même constituer, de façon implicite, je vais revenir sur ce point, à la fois alternativement ou successivement, comme le fondement, la première étape et l'instrument d'une construction fédérale, dont la monnaie unique sera d'ailleurs la première grande réalisation proprement fédérale, on va dire, accompagnée du pacte de stabilité et de croissance, et donc récemment, je reviendrai sur ce point, renforcé avec le traité sur la stabilité, le contrôle et la gouvernance qui est en cours d'adoption, comme vous le savez. Je vais citer Jean Monnet, « Mieux vaut se disputer autour d'une table que sur un champ de bataille ». Dans des citations comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. J'étais un peu noyé d'ailleurs dans les discours que j'ai essayé d'analyser. L'Europe ainsi unie en premier lieu par les échanges et par leur encadrement juridico-institutionnel marque, il faut quand même le dire, une inflexion économiciste de l'idéal européen. Cette fois citer Victor Hugo, et de l'union des libertés dans la fraternité des peuples naîtra la sympathie des âmes, germe cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et qu'on appellera la paix de l'Europe, une conception beaucoup plus idéaliste, spirituelle et morale de la construction européenne. À la fin du XIXe siècle, on est dans une inflexion très nettement économiciste de l'idéal européen, et je crois que c'est un point qu'il faut évidemment souligner. Alors je voudrais Premièrement, m'interroger sur le statut de cette doxa dans les discours de légitimation de la construction européenne à diverses phases de son avancée, mais je n'en ferai pas une histoire systématique. Je me contenterai de quelques exemples et réflexions en m'appuyant sur une source principale que je n'ai pu que commencer à explorer. Il s'agit de la collection des discours publics, accessible en ligne, 100 000 textes, rendus accessibles aux citoyens, émanant des principaux acteurs de la vie politique, président de la République, gouvernement, responsables politiques, syndicaux, patronaux, etc. Source tout à fait intéressante, hein, enfin, vraiment très très utile, que j'ai utilisée pour cette communication. Dans une optique donc très directement inspirée par les analyses d'Hirschman, il s'agit de montrer à quel point cette rhétorique a pour conséquence, sinon même pour fonction, de masquer plusieurs processus économiques, sociaux et politiques qui caractérisent la construction européenne depuis les origines jusqu'à la période actuelle, sur laquelle j'insisterai un petit peu plus. Et j'ai regroupé donc ces processus en trois principaux concepts qui vont traverser ma présentation, concurrence, domination et échange inégal, et je conclurai très vite, ce sera une très rapide troisième partie, sur la dynamique très contemporaine de la crise de la zone euro, qui me semble-t-il accentue les dissonances, rend de plus en plus visibles et aiguës les contradictions ou les incohérences, en tout cas certaines contradictions et certaines incohérences de cette rhétorique, et montre même que des germes de conflits géopolitiques résident peut-être précisément dans certaines dynamiques de concurrence, de domination et d'échange inégal. La paix étant finalement, ça sera ma conclusion, j'anticipe un peu, avant tout un processus politique. Et telle est peut-être justement la dure réalité du doux commerce. Je dois préciser que ce titre n'est pas de moi, mais d'un. C'est donc derrière, il y a une perspective, une question un petit peu plus ambitieuse, mais à laquelle je n'entends évidemment pas du tout répondre, elle est un peu en arrière-plan, qui est quelles sont au fond les conditions économiques et sociales de la paix en Europe, question immense. Mais je crois que tous ceux qui, aujourd'hui, je pense par exemple aux économistes tels que Krugman, Stiglitz et bien d'autres, les économistes atterrés, enfin, il y en a un certain nombre, pensent que les leçons des années 30 n'ont pas été comprises. Je pense que tout cela ne peuvent que prendre assez au sérieux cette interrogation. Alors, premier point, l'invocation de la paix apparaît comme un instrument permanent de légitimation, en tout cas récurrent, permanent et récurrent, je crois qu'on peut dire les deux, de légitimation de la construction européenne. Si l'idéal d'une paix perpétuelle fondée sur l'échange marchand mutuellement bénéfique est donc régulièrement réactivé depuis les années d'après-guerre, je voudrais observer qu'il l'a particulièrement été dans des contextes de saut qualitatif dans le processus de construction européenne. Alors, la CECA, les années 50, le traité de Rome bien sûr, en 1957, l'acte unique, la monnaie unique, plus récemment le traité constitutionnel européen, et avec en particulier le référendum de 2005, ses suites, le traité de Lisbonne, de 2008, et enfin, donc tout récemment, en cours de ratification, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Alors, en regardant donc d'un petit peu plus près, mais en restant quand même assez exploratoire, la collection des discours publics, bon, j'ai d'abord regardé si on trouvait l'occurrence de doux commerce, très peu. Christine Lagarde a évoqué la notion de doux commerce, mais c'était dans le contexte pas du tout des échanges européens, mais des échanges franco-israéliens. Assez récemment, c'est quand même intéressant. Et Eva, elle a mentionné en tout début de journée qu'on a introduit, qu'on est tombé sur le même. Moi, je ne suis pas là à ce moment-là. Non, c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé ça dans la collection de discours publics. Alors, j'ai donc utilisé, vous allez voir à quel point j'en reste, ma méthodologie reste exploratoire, les mots Europe-Paix, dont les occurrences apparaissent dans des discours. On a donc 100 000 discours au total. Alors, si on cherche donc, les discours qui contiennent Europe-Paix, on obtient quand même 7638 discours, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Et majoritairement, ce sont des déclarations, ce qu'ils appellent, dans leur taxonomie, des déclarations, des interviews et des conférences de presse. Alors quand on regarde dans le temps, il y a une nette intensification entre 1996 et 2005, mais déjà entre 1976 et 1985, 721 occurrences, sachant que la base de données est bien renseignée à partir des années 60-70. Elle est relativement récente quand même. Hein. Elle ne permet pas de couvrir bien toute la période de la construction européenne, malheureusement. Alors, ce qui est assez intéressant, de mon point de vue, c'est que les auteurs ayant le plus de discours correspondant à cette entrée, donc les penseurs du doux commerce dont je vais vous parler, on sait parler de Montesquieu, Hume, etc., alors ça c'est un peu différent, ce sont Jacques Chirac et François Mitterrand, loin devant Nicolas Sarkozy, Hubert Védrine et Valéry Giscard d'Estaing. Viennent ensuite les ministres des Affaires étrangères et les premiers ministres, qui s'intercalent les uns les autres. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est d'observer que ce sont des acteurs politiques centraux qui évoquent ce thème. et en l'espèce en particulier les présidents de la République, très nets, qui sont vraiment les porteurs de cette thématique de l'Europe et de la paix. Et j'ai pu vérifier, à la lecture d'un certain nombre de ces textes, je n'ai pas lu les 7638 textes, qu'effectivement, on pouvait y voir, alors là je pense que la question, la discussion portera en partie là-dessus, l'expression d'une forme modernisée de, ce, de cette doctrine, ou en tout cas doxa, du doux commerce. Et les périodes principales, et c'est ce qui, me semble-t-il, conforte mon argument principal ici, ce sont les périodes d'intensification du processus de construction européenne, d'accélération, les moments clés de la construction européenne, les débats autour du système monétaire européen, dans, durant toutes les années 70, mais jusqu'au milieu des années 80, avec des moments très intenses, autour de l'acte unique, bien entendu, et tout particulièrement au moment des référendums. On a beaucoup de textes qui sont des textes très liés à des contextes référendaires, donc le référendum sur le traité de Maastricht, bien sûr, et sur le TCE. Et d'ailleurs, on a comme confirmation, comme illustration, la présence importante des discours de Jacques Chirac, François Mitterrand et Dominique de Villepin, qui se trouvait être le Premier ministre au moment du deuxième référendum, celui sur le TCE. Bon, il y a quand même quelques acteurs un peu différents, hein, juste pour peut-être faire sourire. Jean-Pierre Elkabbach, 113 occurrences, apparaît aussi dans la liste. Enfin, bon, la plupart sont des acteurs politiques, tous sont des acteurs politiques centraux à divers titres. Alors, ce qui me frappe ici, c'est le décalage entre, au fond, la fonction politique, finalement, assez, on va dire, ponctuelle, ou du moins, disons, contextuelle de cette rhétorique, et la réalité du développement des échanges intra-européens, du commerce intra-européen, qui est plus continu et même structurel, qui est de l'ordre du trend. Alors, je ne vais pas, j'ai pas préparé PowerPoint avec des courbes, j'avais commencé à le faire, mais ce n'est pas vraiment l'objet ici, hein, d'entrer dans cette analyse. En résumé rapide, avec des variations cycliques, beaucoup plus que le produit de choix manifeste qui aurait été un choix en quelque sorte binaire à des périodes clés, une espèce de disjonction entre le cycle des discours, si vous voulez, d'un côté et le cycle du commerce de l'autre. Ce qui me semble une observation intéressante et qui me semble corroborer mon hypothèse d'une dramatisation de l'utilisation, de l'usage, on va dire, à des fins de légitimation de cette rhétorique dans les contextes de lutte politique, dans les grands contextes, enfin, les contextes de grands choix de politique économique ou politique plus largement en matière européenne. Illustration donc de cette idée de trend assez régulier. Bon, si on regarde entre 1972 et 2000, j'ai pris des données dans l'ouvrage de Jeannonet et Pujals, qui contient beaucoup de séries sur les différents pays européens. Entre 1972 et 2000, les exportations intra-européennes passent de 8,7% du PIB à 18,1%, mais avec une petite variation, avec un pic en 85 à 13,2, une baisse, puis ça repart ensuite à la hausse. Bon, constat général, on ne peut qu'être frappé, évidemment, par la dynamique, c'est constamment répété, hein, d'intégration entre des pays de niveau de développement assez proche, et la croissance, effectivement, pour le commerce intra-européen est plus marquée que pour le commerce de l'Europe avec le reste du monde, et des différents pays européens avec l'Europe. Elle reste quand même relativement lente dans l'absolu, enfin, c'est pas une explosion démesurée du commerce international. Et pour les plus grands pays, elle reste à un niveau relativement modeste. Je veux dire, bon, qu'est-ce qu'un niveau modeste ? Il y aura une discussion là-dessus. Mais en revanche, beaucoup plus important pour les petits pays très ouverts, bien entendu. Ce qui est très important, c'est un résultat classique de l'économie des échanges internationaux, c'est le fait que les produits échangés sont très proches. Hein, c'est le commerce intra-branche qui se développe le plus entre pays de structures productives semblables, avec bien sûr les produits les manufacturés, les produits agroalimentaires. J'ai un peu mauvais esprit, j'ai aussi un des produits qui s'échangent bien entre pays européens, c'est l'armement entre la France et la Grèce. Le commerce a aussi cette dimension qu'il ne faut jamais oublier, de commerce d'instruments de guerre, hein, qui n'est pas totalement négligeable dans le cas des rapports commerciaux entre un pays comme la France et la Grèce. Bon, c'est un peu anecdotique, mais voilà. Donc on a une tendance globalement croissante, mais il n'y a pas lieu de rapprocher de manière aussi nette, aussi directe, de l'intensification de la dramatisation surtout des choix. Alors, deuxième point, c'est la requalification des enjeux qui me semble très importante. Et ici, bon, la première source de mes analyses, c'est évidemment l'expérience des débats lors des différents traités, en référendum et des référendums sur les traités. Cette rhétorique permet de requalifier et d'annoblir les processus en cours, différentes phases de l'histoire européenne, en gommant, je crois, une part de leur fonction proprement politique. Et là, je trouve qu'on est bien devant un travail d'idéalisation au sens de Durkheim, pour lequel il n'y a pas de société sans idéal. L'idéalisation, alors religieuse, évidemment, les formes élémentaires de la vie religieuse, est consubstantielle au fait social. Et on pourrait dire qu'ici, on est proche d'une forme d'idéal européen, en permanence réactivé, parce qu'il est bien cette idéalisation dans laquelle nous baignons. Alors, les exemples, on pourrait les égrener de manière très systématique à partir des différentes phases de la construction européenne. Au moment de la CECA, la réalité des négociations, c'est celle, et des enjeux, c'est celle de la tentative du côté des Français en particulier, la diplomatie française, d'éviter que la reconstitution de la puissance économique allemande ne marginalise la France face aux États-Unis et bien sûr au Bloc de l'Est, on est dans un contexte de guerre froide. Il s'agit d'ancrer l'Europe dans le camp de l'Alliance Atlantique et de la faire exister dans sa relation avec la puissance dominante. L'Europe est évidemment un instrument politique dans le contexte de rapport entre grandes puissances et de déclin des empires. Et c'est ce rapport entre empires déclinants qui permet sans doute le mieux de comprendre la dynamique qui va pousser les élites françaises en particulier dans la voie du rapprochement, et du rapprochement en particulier avec l'Allemagne, qui va donner donc la CECA. Le traité de Rome lui-même, bon, qui se centre, on le sait, sur la création de ce que Rueff appellera un marché institutionnel, je renvoie ici aux travaux de François Denord sur l'histoire du néolibéralisme, aussi à l'ouvrage de François Denord et Antoine Schwartz, sur l'Europe sociale. L'Europe sociale n'aura pas lieu. Ce traité met en place un cadre légal de concurrence entre les pays, qui ne va cesser de s'approfondir jusqu'au marché unique et au-delà. Alors, je ne vais pas revenir ici sur les arguments qui sont répétés ad libitum en faveur de l'accélération de l'intégration, économie d'échelle, réduction des coûts de transaction, émulation concurrentielle, bien sûr, fixation des vrais prix. L'objectif est avant tout de construire l'Europe comme un marché concurrentiel et surtout de limiter, d'endiguer, et ça va finir par réussir, le développement de politiques économiques et en particulier de politiques industrielles nationales autonomes, vues comme autant de distorsions à la concurrence. Alors, ce que montre très bien Denord dans ses travaux, c'est que pendant une période assez longue, ça n'a réussi évidemment pas parfaitement, mais le dispositif est là et va finir par triompher dans les années 1980-90. Mais les objectifs et les arguments utilisés sont toujours étroitement liés à l'objectif général, donc, qui vise, et là je vais citer un manuel, j'aurais pu en citer plein d'autres, à vouloir mettre définitivement fin au conflit intra-européen, lier les États européens de l'Ouest les uns aux autres, en leur imposant des structures économiques et politiques communes. Alors, c'est Krehl et Farvac 2004, mais à nouveau, je n'ai eu que l'embarras du choix pour trouver des citations. Hein. C'est vraiment, quand je parle de doxa, il y a vraiment l'idée de répétition de quelque chose qui va de soi, hein, qui est de l'ordre du cela va de soi, pour différentes phases. Le traité de Maastricht, lui-même, on peut en faire une lecture qui fait apparaître cette requalification. Le traité de Maastricht consacre la domination allemande sur la politique économique, plus précisément, plus particulièrement, bien sûr, la politique monétaire. Mais aussi, on voit un peu mieux aujourd'hui la politique budgétaire, en contrepartie de l'intégration de l'Allemagne dans le reste de l'Europe. C'était là l'enjeu central pour Mitterrand, hein, ancrer l'Allemagne dans l'Europe, la rendre solidaire de l'ensemble européen. Et l'argument de la paix a été central dans la rhétorique mitterrandienne, notamment bien sûr au moment du référendum sur le traité de Maastricht, mais on peut dire dans tous les discours de Mitterrand, par hasard si Mitterrand est l'un des auteurs les plus cités, qu'on retrouve le plus dans la collection des discours publics, et l'un de ses derniers discours, sinon le dernier, on peut pas vérifier, c'était vraiment le dernier, le discours de 1995, a été intitulé, je crois de manière posthume, il utilise cette formule à la fin de son discours, « Le nationalisme, c'est la guerre ». C'était un des thèmes qui ont fédéré au moment de débats déjà très tendus lors du référendum sur le traité de Maastricht. Donc cet argument de la paix réactivé avec force me semble avoir pour fonction finalement, a posteriori, on peut le voir comme ça, de masquer une transaction politique où la France a cédé sur l'indépendance de la Banque centrale, c'est bien dans ces termes que ça s'est joué, mais a arraché le soutien de l'Allemagne à une nouvelle avancée de l'intégration qui est censée brider la puissance allemande renaissante. C'est le thème omniprésent en arrière-plan de la négociation de Maastricht. Et je dirais que les permanences omniprésentes, peut-être dans la période actuelle, je vais y revenir, plus présent en arrière-plan que jamais. Alors on peut revenir également sur l'élargissement, les différentes vagues d'élargissement du pays, et rappeler qu'elles sont avant tout le résultat beaucoup moins du doux commerce que de l'effondrement des régimes dictatoriaux, des régimes politiques dictatoriaux, et d'une certaine manière de la domination politique renforcée des démocraties occidentales et des capitalismes de l'Ouest. L'intégration des pays périphériques par la suite, je les oppose là, le mot périphérique avec les guillemets, par opposition au noyau originel, on peut dire qu'elle a reposé, pendant toute une phase de la construction européenne, sur des logiques politiques autant qu'économiques, avec en particulier des politiques volontaristes redistributives, les fonds structurels, la politique agricole commune. Dans le cas de l'Allemagne de l'Est, qui est un peu paradigmatique d'une certaine dynamique de la construction européenne, un énorme transfert de richesses des pays les plus... enfin, de la partie la plus riche vers la partie la plus pauvre. Est-ce que c'est de l'ordre du doux commerce je ne sais pas. En tout cas, la logique politique volontariste est absolument évidente. Et elle a une dimension, alors je vais mettre là aussi des guillemets, impérialiste, avec une dimension évidente de domination. Donc pour conclure sur ce premier point, la rhétorique du doux commerce accompagne un processus de convergence qui est avant tout politique et bureaucratique. Elle contribue à le légitimer, mais elle relève beaucoup plus, à mon sens, du but fondateur, efficace, politiquement efficace, que de la réalité empirique. Par lui-même, donc, le doux commerce, ainsi entendu, dans le contexte européen, ne crée pas la paix. On ne peut pas du tout mettre en avant cet enchaînement causal. Mais il accompagne un processus de rapprochement, puis d'intégration, impulsé par le politique, en mettant en avant les aspects bénéfiques de l'intégration économique. Et j'en viens maintenant donc à ce que j'appelle le refoulé de la construction européenne, que je vais aborder de manière peut-être plus frontale et plus directe, c'est-à-dire les dimensions donc, de concurrence, de domination, et d'échanges inégaux. Et je conclurai sur, après avoir parlé du refoulé, sur le retour du refoulé. En conclusion, enfin, le retour du refoulé, il ne faut pas gratter beaucoup pour le voir assez tôt. Hein. Alors, d'abord, sur les études empiriques qui relèvent de l'histoire économique quantitative, sur les économètres, des cliomètres qui les ont menées, il n'y en a pas beaucoup. Sur les effets réels de l'ouverture internationale sur la conflictualité militaire, il y a un travail qui est toujours cité de Martin Meyer-Ettening 2008, dont les résultats, c'est quand même intéressant, sont ambivalents. C'est-à-dire ce travail donc, qui porte sur la période 1870-2002 et qui étudie la relation entre ouverture des échanges, diminution des droits de douane et différentes variables économiques et conflictualité, notamment guerre, montre que l'ouverture bilatérale réduirait, je n'entre pas du tout dans l'analyse interne de ces travaux et les critiques méthodologiques qu'on peut éventuellement leur faire, réduirait la probabilité de conflit entre deux pays, l'ouverture bilatérale tend plutôt à défavoriser les conflits, mais l'ouverture multilatérale accroîtrait plutôt la probabilité de conflit durant cette période. Ils sont très ambivalents d'un travail un peu isolé, quantitatif, ce qui n'est pas sans intérêt, sur cette question au fond, des effets du commerce international, de l'échange international, de l'ouverture bilatérale et multilatérale en matière de conflit. Alors on peut dire que dans le contexte européen, et en particulier ouest européen, l'absence de conflits armés depuis 1945 peut être corrélée au processus de croissance des échanges et d'ouverture des économies, bien sûr. Il semble donc difficile d'y voir une relation causale, mécanique, et à sens unique, on peut dire tout aussi bien que, sans entrer dans le topos corrélation et causalité mais classique, mais dont il ne faut jamais se priver, à mon sens, que la paix, construction politique, a aussi favorisé, bien entendu, le développement des échanges, qu'ils soient économiques ou culturels. C'est trivial, mais ça mérite néanmoins d'être rappelé. Trois processus, en revanche, sur lesquels je vais un peu plus insister, ont, me semble-t-il, un effet potentiellement défavorable à l'établissement de relations pacifiques durables, à des degrés variés, difficiles à quantifier. Et je voudrais donc revenir sur ces trois effets potentiels, dont la conséquence, me semble-t-il, ne dramatisons pas, hein, pour l'instant, pas trop en tout cas, est de l'ordre d'une crise politique et institutionnelle de plus en plus manifeste de la construction européenne. Je reviendrai plus loin sur la qualification de la crise de la construction européenne dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Pour résumer mon argumentation, je dirais qu'une intégration déséquilibrée a pour conséquence l'accentuation de certaines forces centrifuges qui engendrent, si l'on veut bien m'accorder le recours à une des figures de la rhétorique réactionnaire, Elisabeth Schmal, des effets pervers, alors peut-être vaut mieux dire dissonance, justement, pour éviter de recourir à cette rhétorique, qui apparaissent comme de plus en plus gênants pour la doxa, et donc en contradiction. Et là, je retrouve un thème que j'essaie de développer dans le livre La crise de la croyance économique, sinon mettre en avant des anomalies, des incongruités, des incohérences entre les croyances établies dans le domaine économique et un certain nombre de dynamiques apparues en particulier de manière très visible en 2008 et ensuite. Le premier processus, c'est l'intensification de la concurrence entre des acteurs initialement inégaux, et donc c'est la discussion qui me semble une discussion absolument fondamentale sur les effets de la concurrence et en particulier lorsque les acteurs sont initialement inégaux et qu'elle n'est pas accompagnée d'efforts redistributifs importants. Alors, depuis le triomphe de la doctrine ordolibérale en Europe, qui s'est inscrit dans le traité de Rome, la concurrence est parfaitement assumée comme à la fois un moyen et comme un objectif de la construction européenne. Point d'ailleurs que son caractère d'objectif est inscrit dans le traité constitutionnel européen, sera ensuite enlevé dans le traité de Lisbonne, qui en sera la version euphémisée en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que l'objectif a totalement disparu, bien entendu, il a en tout cas disparu du texte pour des raisons liées aux résistances politiques, bien sûr, et aux échecs des référendums, sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir longuement. Alors pourquoi parler de refouler de la construction européenne ? Il s'agit plutôt de mettre en cause le raisonnement selon lequel l'intensification des échanges internationaux dans un contexte de concurrence accroîtrait mécaniquement l'ensemble des performances des parties prenantes, et en particulier leur compétitivité, toutes choses étant égales par ailleurs, serait mutuellement avantageux et donc aurait globalement des effets bénéfiques qui non seulement engendreraient la paix, mais civiliseraient les partenaires de l'échange, comme cela a été rappelé. Je veux revenir un tout petit peu sur la conception ordolibérale, qui à certains égards hérite de l'éthos luthérien, des textes là-dessus, notamment sur le triomphe de Luther. L'idée ici, c'est que la concurrence incite le plus faible à l'effort pour attraper le plus fort. Et donc le fait d'être plongé dans une concurrence même inégale doit renforcer à terme les deux partenaires, et en particulier le plus faible, des bénéfices pour le plus faible. C'est pas simplement un schéma qui relève de l'histoire des idées, c'est inscrit dans des dispositifs et notamment dans la stratégie de Lisbonne dans les années 2000, hein, à travers les pratiques du benchmarking avec la méthode ouverte de coordination, puisqu'il s'agit précisément de ça, en montrant les performances, en les classant, il s'agit d'inciter les moins performants à rattraper les meilleurs en adoptant les best practices. Enfin, vous connaissez toute cette rhétorique européenne qui triomphe dans les années 2000. La stratégie de Lisbonne a radicalisé cette conception de la concurrence en faisant donc de la concurrence un instrument de la conquête globale de la compétitivité qui devait, l'objectif n'a pas été atteint, faire de l'Europe dès 2010 l'économie la plus dynamique et la plus compétitive du monde. Il faut rappeler ici que cette mise en concurrence accrue qui caractérise la construction européenne dans les années 2000, donc sur le marché des biens et services, sur le marché du travail et sur les marchés financiers, dans ce large, s'est accompagnée d'une moindre redistribution fiscale entre régions riches et pauvres, un déclin du rôle des fonds structurels et des politiques les plus volontaristes, les plus redistributives. Il faut rappeler aussi que la montée régulière de l'endettement public et privé favorisé par la libéralisation financière, dont on peut dire aujourd'hui que cette montée de l'endettement très généralisée a pu masquer des contre-performances qui, sous-jacentes qui se sont révélées par la suite. Cette montée régulière de l'endettement favorisée par la libéralisation financière, un des aspects de la construction européenne, s'est violemment heurtée donc à la crise financière. Alors il y a deux autres aspects de la concurrence qui me semblent refoulés, et deux autres effets négatifs potentiels qui me semblent refoulés par le topos du bon commerce, c'est d'abord la concurrence fiscale, c'est le fait que l'insistance sur la mise en concurrence est une légitimation implicite des dynamiques de concurrence fiscale et va créer un déséquilibre. La construction européenne s'est caractérisée par un équilibre précaire, fragile, entre les dynamiques de concurrence et les dynamiques d'unification et d'homogénéisation, ni d'harmonisation dans le vocabulaire politique fiscale, en faveur donc des dynamiques de concurrence fiscale de plus en plus prononcées, qui contribuent à disloquer l'ensemble européen. Je pense que c'est un thème sur lequel la doxa du doux commerce a peu de choses à dire, en fait, parce que justement, ce thème l'a contredit très largement. De même, un des éléments très importants de la concurrence entre les États, on le voit aujourd'hui de manière très visible, c'était beaucoup moins le cas auparavant, mais c'est la concurrence entre les États sur le marché de la dette publique pour se financer. Et on voit bien aujourd'hui que, dans un contexte de libéralisation financière, cette concurrence peut avoir des effets extrêmement délétères, la finance se déplaçant au gré de la situation macroéconomique et de la situation commerciale des pays et contribuant à la dislocation des liens entre les pays. D'où le thème des eurobonds, enfin je ne développe pas plus parce que ce sont des thèmes qui sont dans le débat public aujourd'hui sur lesquels on lit beaucoup de choses, donc il ne s'agit pas de développer l'aspect technique des problèmes, mais juste d'évoquer cet aspect-là. Alors, pour revenir à la mise en concurrence donc généralisée, mise en concurrence entre les pays dans la stratégie de Lisbonne, mais aussi entre les territoires et dans une certaine mesure entre les individus, et on la retrouve à l'échelle de toutes les organisations, et à l'intérieur des services publics, etc., etc. Elle se décline dans toute la société européenne, n'a pas que des effets pacifiques, c'est le moins que l'on puisse dire, d'autant moins qu'elle tend à supplanter, à s'imposer au détriment de tout mécanisme redistributif et justement de ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire des formes de croyance dans la solidarité intra-européenne et dans ses vertus. Et c'est cela aussi que met en cause la mise en concurrence généralisée. Pas de solidarité sans croyance dans les vertus de la solidarité. Au contraire, le développement des échanges aussi. En l'occurrence, s'il accroît certes les interdépendances, il peut aussi donc accroître certains déséquilibres, et notamment des déséquilibres commerciaux, je vais y revenir, et du même coup à susciter des tensions nouvelles, tensions qui, il faut bien le dire, ont été de plus en plus visibles avec l'intégration des nouveaux pays membres. Alors ça nous conduit à mon deuxième point, qui est mon deuxième point dans cette deuxième partie, qui est la notion de domination, la question de la domination internationale. La montée des échanges ne résorbe pas par elle-même les processus de domination internationale. Je ne parle pour l'instant que de la domination économique et commerciale. Les pays les plus compétitifs, et évidemment on pense à l'Allemagne, qui bénéficie en particulier d'une compétitivité hors prix, liée à la qualité des produits, à la marque, aux marques allemandes, tout un ensemble de dimensions symboliques. Ces pays vont bénéficier dans la période la plus récente, tout particulièrement, d'une monnaie relativement sous-évaluée, ce qui va être l'inverse. Alors qu'on aura la situation inverse pour les pays de la périphérie. Hein. Ce sont des mécanismes qui ont été beaucoup analysés par les macroéconomistes. Je pense notamment au travaux de l'OFCE en France, hein, du coup, cette question. Les pays les plus périphériques n'ayant plus l'arme de la dévaluation se trouvent en quelque sorte handicapés par leur solidarité avec la puissance dominante et par leur ancrage dans la zone euro. Sur le plan budgétaire, autre aspect de cette domination sur lequel je vais revenir parce qu'il s'est trouvé dramatisé dans la dernière période, c'est l'opposition de nature symbolique et politique entre les pays présentés comme ou se présentant comme vertueux, pays du Nord en particulier, dans le contexte européen, aux pays plus laxistes. Le critère de démarcation étant bien sûr le solde budgétaire, le déficit public, la dette publique. Mais c'est un thème très prégnant et qui n'a cessé de monter en puissance, notamment durant, on va dire, la dernière période, depuis les années 1990. C'est le thème, je vais y revenir, du Club Med, les pays du Club Med. Et je trouve que dans ces expressions journalistiques, qui viennent souvent d'ailleurs du monde de la finance, de banques, Goldman Sachs, etc., qui produisent ce type de qualification, comme les PIX, ce type de qualification des pays, on peut lire les phénomènes de domination symbolique, les rapports de domination tels qu'ils s'expriment à l'intérieur de l'espace européen et qui structurent profondément en réalité l'espace européen, même s'ils sont complètement déniés dans le discours officiel, bien entendu, mais même s'ils ressurgissent dans ce discours. Alors, d'un point de vue plus empirique, ce que j'ai pu observer moi dans des travaux que j'ai menés sur le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, c'est le poids de la variable nationale dans les oppositions internes et en particulier de la polarisation entre les Allemands, avec quelques alliés, très peu d'ailleurs, c'est bien un problème, et les autres, et en particulier bien sûr les pays du Sud. On a observé quand même un phénomène historiquement tout à fait inouï, c'est que, alors que vous savez que les minutes du Conseil de la Banque Centrale Européenne ne sont pas publiques, c'est-à-dire que les dissensions individuelles ne doivent pas sortir dans le débat public, et c'était voulu par les pairs de la Banque Centrale Européenne, c'était voulu par Otmar Issing et tout un tas d'acteurs qui ont contribué à la doctrine de la Banque Centrale Européenne. Ce sont des Allemands qui, les premiers, ont mis en cause la politique de rachat sur le marché secondaire de titres de la dette publique grecque. Ça a été une rupture symbolique extrêmement importante et qui ont manifesté leur opposition interne aux orientations prises par la Banque Centrale Européenne, ce qui est une façon de manifester le sentiment que la domination, le contrôle de cette institution était en train de leur échapper. Et on a, après la Voice, il y a eu l'exit, puisque Jürgen Stark, qui était l'un de ceux qui ont porté cette critique publique, a démissionné et a fini par reconnaître qu'il avait démissionné pour des raisons liées à des désaccords profonds sur la politique de la Banque Centrale Européenne, en particulier à partir de mai 2010. Je vais revenir sur le paradoxe que les Allemands, dans le contexte actuel, se perçoivent comme dominés par les autres pays d'Europe, alors même qu'on est dans un contexte justement de réaffirmation de la domination allemande sur l'ensemble de l'espace européen. Et c'est un des aspects, je pense, de la dynamique négative dans laquelle nous sommes aujourd'hui situés. Troisième thème, le thème de l'échange inégal. Donc développé, alors je ne sais pas combien il me reste de temps. Pas beaucoup. Tu as besoin de combien de temps ? 5 minutes. Alors 5 minutes. Thème de l'échange inégal. Alors, bon, développé donc, comme vous le savez, par notamment par Samir Amin dans les années 60 pour étudier les rapports entre centre et périphérie. C'est pas dans ce sens-là évidemment que je l'entends, mais je laisse de côté la discussion du modèle de Samir Amin, hein, c'est pas du tout la question. Mais il me semble qu'on peut quand même parler au sein de l'UE actuelle d'échange inégal, et notamment pour les raisons que j'ai déjà un petit peu évoquées en évoquant les travaux de l'OFCE sur l'effet de la monnaie unique du point de vue du commerce extérieur des différents pays. On a un processus assez complexe puisque l'économie européenne est relativement ouverte au commerce international et donc se combinent les effets d'une plus ou moins mauvaise insertion sur le marché mondial et des dynamiques d'échanges internes, plus ou moins déséquilibrées elles-mêmes. Et en plus, il faudrait analyser plus en détail la nature des spécialisations des différentes économies européennes qui expliquent en partie, évidemment, les dynamiques observées. Dans le cas grec, spécialisation dans les services, dans le tourisme, hein, bien entendu, qui est très, très spécifique, et commercial, je vais y revenir, qui est structurel. la Grèce étant typique des pays du Club Med, justement, c'est pas tout à fait un hasard. Il n'y a jamais de hasard dans les expressions qui ont du succès, je dirais, dans l'espace public et qui polarisent les nations les unes contre les autres. Alors ici, les données font apparaître un phénomène sur lequel je ne vais pas m'apesantir. Là encore, je pourrais le développer d'un point de vue empirique, quantitatif, beaucoup plus systématique. C'est le fait que les performances compétitives très inégales aujourd'hui en matière de commerce extérieur des pays européens, au fond, ont accusé les écarts qui existaient au départ, les hiérarchies qui existaient au départ. Elles ont renforcé les plus forts et affaibli les plus faibles. Et donc là, le solde d'opérations courantes, enfin, les différents indicateurs qu'on peut utiliser, la balance d'opérations courantes, c'est un indicateur qui tend plutôt à rééquilibrer hein, par rapport à la balance commerciale, proprement dite. Il est impressionnant enfin, quand on regarde les écarts. Hein, juste pour 2008, l'Allemagne avait un solde courant de 6,4% du PIB favorable, alors que la Grèce avait un solde négatif de 14,4%. Enfin, c'est des écarts considérables. Hein. Donc le doux commerce, c'est surtout l'écartèlement des différents pays. Et ça, j'ai des données ici de 2008, c'est pas les données de 2012. Hein. La France ayant d'ailleurs toujours une position intermédiaire qu'on retrouve hein, globalement dans l'espace européen, qui est la caractéristique de la France, d'être entre les deux pôles et de pencher voilà, plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Donc polarisation maximale au début des années 2010, qui reflète en particulier la stratégie allemande, qui a été qualifiée donc, par Fitoussi et économiste de l'OFCE, de désinflation compétitive, et aussi de mercantiliste, explicitement, hein, le terme est beaucoup utilisé, elle est effectivement mercantiliste. Elle s'avère très efficace pour établir la position commerciale du pays, mais elle a pour conséquence une montée rapide et impressionnante des équilibres intra-européens qui va s'intensifier. Je vais prendre d'autres indicateurs que les indicateurs commerciaux, mais je passe là-dessus. Je vais juste évoquer en guise de conclusion la dynamique contemporaine depuis 2010, qui va donc en quelque sorte dramatiser, intensifier des mécanismes que j'ai déjà mis en avant. Je vais citer Angela Merkel, quand même, 18 mai 2011. Il faudrait que dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, on ne parte pas à la retraite plutôt qu'en Allemagne. Que tous fassent un peu les mêmes efforts, c'est important. Nous ne pouvons pas avoir une monnaie commune et certains avoir plein de vacances, décidément, encore les vacances, encore le Club Med, et d'autres très peu, à la longue, cela ne va pas. Voilà. La réaffirmation de la domination par quand même pas n'importe qui. Bon, c'est pas Bild Zeitung, c'est pas la presse allemande qui va évidemment beaucoup participer à la diffusion d'un climat nationaliste en matière économique et en particulier d'une hostilité à la Grèce et aux pays du Sud. C'est là la chancelière allemande, c'est la responsable centrale, l'acteur central de la politique allemande. C'est quand même pas tout à fait insignifiant. Cela, quand même, dans un contexte où, après 2008, tous les soldes budgétaires se dégradent sous l'effet de la crise. Il y a un effet énorme de la crise sur la dégradation en matière de déficit public et de dette, et de dette publique. Ce que je voulais dire sur ce point, c'était qu'on en arrivait à un point où, finalement, la division ethnique, ethnico-nationale, on va dire, pour rester correct, enfin, elle n'est pas encore ethnicisée totalement, mais réapparue dans l'espace européen, entre les pays du Nord, germaniques et les pays latins. Enfin, elle s'est solidifiée en quelque sorte. Une division symbolique qui rappelle les années 30, hein, il faut bien dire les choses. Et deuxième aspect, le paradoxe que dans le contexte allemand, une partie des acteurs centraux perçoivent la situation comme une situation qui leur échappe. C'est le cas d'Angela Merkel dans la citation que je viens de faire. C'est encore plus le cas des acteurs au sein de la Banque Centrale Européenne, qui ont vraiment le sentiment d'une trahison de la Banque Centrale Européenne par rapport à son mandat. Donc elle a vraiment elle a outrepassé ses statuts, son cadre, et qu'elle est désormais plus sous contrôle. Tout cela contribue à une résurgence du nationalisme aujourd'hui, on peut le dire, du nationalisme économique. C'est pas la passion martiale dont on a parlé pour l'Allemagne, c'est la reformulation d'une forme de passion nationale. Et puis des populismes, ce qu'on appelle les populismes en politique ethnico-raciaux, hein, avec quand même la résurgence de partis qui se réclament explicitement du nazisme dans des parlements européens, enfin des phénomènes de crise politique, d'éclatement du jeu politique qui sont tout à fait évidents. Et dernier point, la dislocation financière, elle est particulièrement évidente aujourd'hui, dramatisée avec les tensions sur la dette publique. Mais là, je ne vais pas développer. Je vais juste dire en conclusion que le doux commerce n'est donc doux que sous conditions, et en particulier sous conditions politiques, et peut même se transformer source de tensions exacerbées quand il met aux prises des structures socio-économiques très inégales, qu'il ne s'accompagne de mécanismes redistributifs suffisants, qu'il tente à renforcer toujours plus les acteurs dominants et en les rendant de moins en moins solidaires, solidaires des dominants. Merci. Bravo. Un grand merci pour ce bel exposé, Frédéric, qui nous fait basculer des lumières de l'ordre spontané vers la dure réalité de la construction européenne.